Le château enchanté par Alphonse Esquiros. Chapitre 1er. Depuis près de 9 ans, l'un des plus beaux hôtels du faubourg Saint-Germain restait inhabité. Ses fenêtres, doublées de volets, ne s'ouvraient qu'une fois par mois pour donner de l'air à de vastes appartements. Un vieux domestique secouait ce jour-là, à la fenêtre, de riches tapis et des peaux de tigre d'où s'échappait un nuage de poussière. La cour était silencieuse. Quelques monoparasites y becquetaient entre les pavés, des grains d'avoine ou des brins d'herbe. Des araignées filaient leurs toiles entre les roues oisives des voitures qu'on remisait. C'était la solitude dans toute sa tristesse. Il n'en avait pas toujours été ainsi. Cet hôtel avait eu autrefois ses jours, ou pour mieux dire, ses nuits de fête, durant lesquelles on voyait passer dans la rue, sur la transparence brumeuse des rideaux, quelques ombres décolletées de jeunes duchesses avec des fleurs sur la tête. Mais un soir, flambeaux, lustres, auréoles de feu, bruit, musique, éclats de rire, folle causerie au balcon, tout s'était subitement éteint. La rue, éclairée alors par le reflet de ces soirées rayonnantes, et doublée dans toute sa longueur par une file de riches voitures aux panneaux blasonnés, avait pris sur les autres rues du noble faubourg l'exemple du silence et de l'obscurité. On crut d'abord, dans le voisinage, que les maîtres de cet hôtel étaient allés passer la belle saison dans leurs terres. Ils étaient partis, en effet, comme à l'ordinaire, un jour de mai, disant qu'ils seraient de retour pour l'automne. Les feuilles des arbres étaient tombées 8 fois dans la cour de l'hôtel depuis leur départ, et les maîtres n'étaient pas revenus. Cette absence prolongée donnait lieu, dans le monde, à une foule de conjectures. On pensa d'abord qu'un malheur irréparable avait frappé aux champs la noble famille émigrée. Cependant, on n'avait reçu d'elle aucune nouvelle fâcheuse. D'autres inclinaient à la dire ruinée, mais la fortune de cette maison avait tenu depuis un demi-siècle contre les révolutions et les guerres civiles avec une si inépuisable abondance que les dépenses excessives, le jeu et même les folies dévorantes du luxe parisien n'auraient pas réussi aisément à l'entamer. Les plus curieux interrogèrent un domestique qui s'usait dans cette solitude, comme les autres meubles de l'hôtel, à ne pas servir. Mais fût-ce vraiment ignorance ou discrétion de sa part, il répondit qu'il n'entendait rien tout le premier à la conduite de ses maîtres. On se souvenait surtout, dans le voisinage, d'une petite fille brune qu'on avait vue souvent courir, les cheveux nattés et les jambes nues, sous les grands marronniers qui ombrageaient la cour. On croyait encore entendre sa jolie voix embarrassée d'un léger bégaiement. Suivant les calculs des gens du quartier, elle devait avoir, à 7 heures, 17 ans. Son absence, à un âge où l'on devait songer sérieusement à la produire dans le monde, excitait de plus en plus l'étonnement et la curiosité. Que faisait donc cette famille à la campagne ?